Fragonard, le musée de la peinture, par Jean Bernard. Jean-Honoré Fragonard naquit à Grasse le 5 avril 1732. Son père, qui était mercier, voulait que son fils fût bureaucrate. Tout jeune, il le plaça donc comme petit clerc chez un notaire où il copiait les actes d'une belle écriture. Mais l'enfant, qui adorait le dessin, ne rêvait que peinture. À 16 ans, le père consentit au départ du jeune homme pour Paris. Là, Fragonard entra de l'atelier de Boucher, un des artistes les plus réputés d'alors. On disait que Boucher peignait les amours avec des joues pétries de roses. Boucher était le peintre de la cour, protégé par Madame de Pompadour, dont il avait exécuté un beau portrait, et pour laquelle il travaillait à des séries de panneaux commandés par la grande dame. En 1752, à 20 ans, Fragonard obtenait le prix de Rome. Les places disponibles ne lui permirent de se rendre en Italie que 4 ans après. Avant son départ, Boucher donna ce dernier conseil à son élève. « Écoute, mon cher Frago, tu vas te trouver en présence de Michel-Ange et de Raphaël. Regarde-les bien, mais laisse-moi te dire amicalement, si tu les prends au sérieux, tu es un homme perdu. » Fragonard était un travailleur infatigable, peignant jusqu'à 16 et 18 heures par jour. Quand il arriva à Rome, en 1756, Natoire, à qui on doit la décoration de Saint-Louis des Français, était directeur de l'Académie de peinture, alors Villa Mancini, sur le Corso. Le jeune homme, malgré les conseils de Boucher, prit Michel-Ange et Raphaël fort au sérieux, les étudia et donna, si on peut dire, de la gravité à sa peinture. Quand 5 ans après, son séjour fut terminé, il fallut songer au retour. Il fit un crochet sur Venise et rentra à Paris à pied, pèlerinant à la mode de certains peintres du XVIIIe siècle, dessinant tout le long de la route et garnissant ses cartons d'esquisses. De retour à Paris, Fragonard voulut se signaler par une œuvre importante. Il exposa, au salon de 1765, un grand tableau. Corésus, grand prêtre, se sacrifie pour sauver Caliroé. Il obtint un gros succès. Diderot en fit l'éloge. Cette toile, qui est au musée du Louvre, ne comporte pas moins de 16 personnages. La composition d'un beau mouvement dramatique et d'un dessin remarquable ne laissait pas prévoir le genre qui a illustré le peintre des oppositions et des clartés éclatantes. Les Goncourt ont écrit qu'il y a dans ce tableau comme un grand cri muet qui se lève de tout ce temple et de cette composition lyrique. C'est la passion. Fragonard la porta à son temps. Malgré ce cri qui est muet, l'appréciation paraît juste. Cette œuvre classa le jeune peintre, les commandes affluèrent, et Bachaumont le critiqua parce qu'il n'exposait plus, accaparé par une riche clientèle. On prétend, écrivait Bachaumont, que l'appât du gars l'a détourné d'une belle carrière, et qu'au lieu de travailler pour la gloire et la postérité, il se contente de briller dans les boudoirs. Abandonnant le genre pompeux, Fragonard se lança dans la production d'œuvres légères, dont tous les financiers raffolaient et qu'il payait des sommes considérables. Avec la fortune vint la célébrité. Le grand succès de l'artiste au début de sa gloire naissante fut ce tableau que la gravure a popularisé dans le monde entier, Les hasards heureux de l'escarpolette. Ce fut le moment où les grands seigneurs, les financiers, les femmes à la mode, voulurent posséder des demeures superbes, meublées avec luxe, décorées par des artistes de talent. Naturellement, Fragonard trouvait le placement de plus de toiles qu'il n'en pouvait exécuter. Pressé par les commandes nombreuses, il ne put finir ses tableaux avec le même soin minutieux qu'il aimait. Il adopta les touches larges, sans pourtant abandonner ce style agréable, coquet, où l'on retrouve toujours l'influence des grands maîtres italiens qu'il avait si profondément étudié quand il était à Rome. Cependant, il se réservait pour quelques-unes de ses toiles qu'il peignait avec une sorte de piété artistique en se souvenant de Rubens, mais en y apportant plus de grâce et de passion. Goncourt, si passionné pour ce XVIIIe siècle, a écrit, en parlant des tableaux de cette période de Fragonard, « Ces petits tableaux si vifs, ces poèmes libres, quel charme met-il en eux pour être leur excuse et leur pardon ? Un charme unique, il les montre à demi. La légèreté est sa décence. Ses brosses n'appuient pas, ses couleurs ne sont pas des couleurs de peintre, mais des touches de poète. Un esquisseur de génie, voilà le peintre chez Fragonard. Ce sont des corps vivants, sanguins, ensoleillés. » À ce moment, cent anecdotes couraient les salons de Paris. Fragonard les résumait dans des toiles lestement enlevées. Tous les grands hôtels cossus furent décorés de quelques tableaux du célèbre artiste. Il devint le peintre attitré de la grande danseuse, Mademoiselle Guimard, et Madame Dubarry, qui l'accaparèrent. C'est alors que l'envie des merveilles s'entassait dans les maisons parisiennes. En 1770, la Guimard, la célèbre danseuse de l'opéra, était la Coqueluche de Paris. Fragonard décora ses salons et sa maison de la Chaussée d'Antin, qu'on avait surnommé le temple de Terpsichore. Le Guimard était, dans une des toiles qui ornait les murs, représenté en bergère. Mais Fragonard, qui était au mieux avec la ballerine, se brouilla avec elle avant que les travaux fussent terminés. Il remplaça alors le sourire charmant qu'il avait donné à la bergère de rêve par une affreuse grimace qui la faisait ressembler à une harpie. Ce fut David, alors âgé de 24 ans, qui se chargea de remettre les choses en état. Lassé de la vie qu'il menait, Fragonard se maria, en 1769, avec une jeune fille de 17 ans, jeune méridionale d'Avignon, que ses parents, qui habitaient Grasse, avaient confiée à l'artiste pour la perfectionner dans l'art de la miniature et de l'aquarelle. Le mariage fut célébré dans l'église de Vaugirard, qui était alors une campagne. Ce fut là que s'installa le nouveau ménage. Frago eut plusieurs enfants. L'existence calme et retirée dans ce coin de village, qui faisait suite à la banlieue parisienne, permit au peintre de travailler posément. Il eut pour modèle sa femme, sa belle-sœur, son beau-frère et ses enfants. C'est de cette époque que date l'éducation, où des enfants apprennent un chien à faire l'exercice, la première caresse de la mère à son bébé et la visite à la nourrice. Le vaporeux des peintures fait place à des études plus sincères de la nature, saisies dans le charme du grand air. Fragonard s'était lié avec le curé du village, et à sa demande, il peignit un Saint-Jean, l'éducation de la Vierge, l'adoration des bergers et la visite de sainte Élisabeth à la Vierge, compositions dans lesquelles les saints personnages ont pourtant des ressemblances avec les sujets païens qui ont fait la réputation du génial artiste. Vers 1770, Fragonard fit un voyage en Hollande. Il voulait étudier sur place la ronde de nuit de Rembrandt dont il fut enthousiasmé. Il revint avec quelques cartons des scènes hollandaises. Il retrouva sa petite maison de Vaugirard, reprit ses études champêtres et peignit même des portraits, lestement enlevés d'un seul coup de pinceau. « Il me rapportait un louis », a-t-il écrit plus tard, « et me coûtait une heure de travail. » On s'accorde à dire qu'ils étaient d'une touche très artistique, mais qu'ils ne se préoccupaient guère de la ressemblance. Il lui aurait fallu plus de temps, et ce n'était au demeurant pour lui qu'une sorte d'amusement. Comme délassement encore, il a exécuté quelques eaux-fortes. Il n'est guère resté que quelques planches, qu'on reconnaît comme des morceaux d'un charme rare et d'une réelle valeur. Au XVIIIe siècle, les grands seigneurs et surtout les financiers opulents aimaient faire le traditionnel voyage en Italie, accompagné d'un peintre en renom. C'était s'assurer un compagnon agréable, un guide à travers les musées et avoir sous la main un artiste pour prendre des croquis des pays visités. Un fermier général très riche, M. Bergeret de Grandcourt, associé libre de l'Académie de peinture, ayant une véritable admiration pour Fragonard, lui demanda de l'escorter dans un de ses voyages. Le peintre, très heureux de revoir l'Italie, accepta avec empressement. Sa femme était de la partie. M. Bergeret emmena son fils, une gouvernante, trois domestiques et une cuisinière, pour ne pas être empoisonné dans les auberges fort mal tenues de la péninsule. M. Bergeret possédait une grande propriété dans le Midi, à Nègrepelines, par Montauban. C'est de là qu'après quelques jours de vacances, partit ce convoi, avec deux grandes voitures contenant tout ce que pouvait fournir le confortable de l'époque. On gagna l'Italie en passant par Grisolles, Toulouse, Montpellier, Nîmes, Aix, Marseille, Nice. En Italie, on s'arrête à Gênes, Pise, Florence, Sienne et Rome, où M. Bergeret loua un petit palais, où il reçut avec faste la population cosmopolite de la ville éternelle, sans oublier les nombreux artistes français qui s'y trouvaient. On poussa jusqu'à Naples et on monta au Vésuve. Après 2 ans environ de voyage, on revint par l'Allemagne. Fragonard rapportait des centaines d'ébauches des pays traversés. Au cours du voyage, les deux amis se brouillèrent. On en arriva au procédé discourtois. Le financier prétendait retenir les caisses de dessin pour l'indemniser de ses frais, et Fragonard voulait se faire payer le temps qu'il avait perdu. Un procès eut lieu et les juges condamnèrent le financier à payer 30 000 livres à l'artiste. Quelques années après, ils se réconcilièrent. À ces moments perdus, si on peut ainsi parler d'un grand travailleur dont la production est prodigieuse, Fragonard illustra les fables de La Fontaine et ce fut la célèbre édition dite des fermiers généraux tirée à petit nombre et dont chaque exemplaire vaut aujourd'hui une petite fortune. Quand éclata la Révolution, Fragonard était dans un bon état de fortune. Il était logé au Louvre et gagnait 50 000 livres par an, ce qui était à l'époque la vie large. Le peintre se montra pourtant partisan de cette révolution qui allait le ruiner, en dispersant tous les riches amateurs qui se disputaient ses œuvres. Il applaudit à la prise de la Bastille, et M. Camille Mauclair, dans la belle étude qu'il consacre à Frago, mentionne qu'en septembre 1789, les citoyens Fragonard, David, Gérard et Lagrenet étaient à la tête des femmes patriotes qui apportèrent leurs bijoux sur le bureau de l'Assemblée nationale. À mesure que la Révolution grandit, la situation des artistes diminue. Ils perdent les pensions du roi, les grands seigneurs et les fermiers généraux émigrent à l'étranger. Plus de commandes, plus de ventes de tableaux. Pour comble de malheur pour Fragonard, le goût changeait au milieu du bouleversement. À l'art coquet, gracieux, pimpant du XVIIIe siècle, succédait un art plus sévère, sec, hargneux, lourd et sans grâce. Le peintre avait une fortune personnelle qui lui rapportait 20 000 livres par an. Il aurait pu vivre tranquillement, mais les réformes financières imposèrent à la fortune publique une diminution des 2/3. Ce fut la gêne qui s'accentua avec la vie devenue beaucoup plus chère. Il dut recourir à David, qui le fit nommer commissaire de musée, ce qui lui valait un petit traitement de 2 400 livres et un logement, à une époque où ils étaient rares et d'un prix élevé. Il essaya même de se mettre au goût du jour et composa quelques tableaux patriotiques tirés de l'histoire romaine, tableaux qui ne paraissent pas très dignes du maître et qui se vendaient mal. L'existence était dure aux Parisiens pendant la Terreur, et Madame Fragonard était obligée de faire la queue de longues heures aux portes des boulangeries et des boucheries. En 1796, Fragonard accepta l'hospitalité d'un de ses compatriotes, M. Maubert, et il revint dans sa ville natale à Grasse. Là, il se remit à peindre des salons aux attributs révolutionnaires. Ses heures de succès étaient passées. Le public n'aimait Dieu que pour les peintures romaines, mises à la mode par David. Grasse, du reste, lui offrait peu de ressources. Fragonard voulut lutter encore. Il revint à Paris, où il vécut mal, dans un appartement étroit de la rue de Grenelle-Saint-Honoré. Par une chaude journée d'été, il alla se promener en champ de Mars, et ayant très chaud, il but une consommation glacée dans un café. Rentré chez lui, il dut s'aliter et il mourait, quelques jours après, le 22 août 1806. Il avait 75 ans. Le baron Portalis, qui a écrit un livre sur Fragonard, assure qu'on connaît de lui encore aujourd'hui 500 toiles, 1000 dessins et 100 miniatures, sans parler des eaux-fortes. C'est d'une prodigieuse fertilité, si l'on songe que plusieurs de ses morceaux sont de purs chefs-d'œuvre et qu'aucun n'est médiocre. C'était Fragonard, le Musset de la peinture, par Jean Bernard.